Alors, si je vous dis intelligence artificielle, ça vous dit quoi? Parce que l'expression est entrée dans le langage commun, mais elle reste nébuleuse parce que les développements et les promesses autour de l'intelligence artificielle vont tellement vite qu'on n'a pas pris le temps de jeter les bases de l'intelligence artificielle et d'en expliquer les fondements. Mais il n'est pas trop tard pour le faire et il y a justement quelqu'un qui a décidé de commencer par le début, de démystifier ce qu'il y a derrière les données massives et l'apprentissage automatique. Et à quoi ça peut servir et aussi quelles sont les limites. Il s'agit de Julien Lemonnier, qui est professionnel de recherche à l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval. Bonjour, monsieur Lemonnier. Bonjour. Alors tout d'abord, dites-nous quelques mots de présentation de cet Institut Intelligence et Données. C'est un nouvel institut qui s'est formé à l'Université Laval? Oui, c'est ça. Depuis, en fait, l'Institut a été créé officiellement fin janvier 2020, donc c'est extrêmement récent. Et c'est un institut, en fait, qui regroupe plusieurs centres de recherche qui travaillent autour des données et de l'intelligence artificielle à l'Université Laval. Et donc, en fait, son rôle, un peu, c'est de faire l'appui aux différents chercheurs dans le domaine de l'IA et de la valorisation des données. Et en plus de faire cette valorisation à l'intérieur de l'université, il fait aussi à l'extérieur, en ayant des collaborations avec des entreprises ou avec d'autres organismes extérieurs. Mais ça, vous dites à l'extérieur, mais à l'extérieur, ça fait penser au MILA à Montréal. Donc, l'Institut Intelligence et Données n'est pas le seul à œuvrer dans ce domaine-là. Donc, comment il se distingue par rapport au MILA, par exemple? Alors, effectivement, le MILA existe à Montréal depuis un peu plus longtemps. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'objectif de l'IID, l'Institut Intelligence et Données, c'est vraiment un objectif de collaboration avec les institutions de Montréal, donc qui sont l'IVADO principalement et le MILA. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que à l'IID et à l'Université Laval, il y a quatre chercheurs qui font aussi partie du MILA. Et évidemment, l'IID fait partie également, a été financée aussi de la même manière que le MILA, avec la stratégie québécoise de l'intelligence artificielle. Donc, les fonds viennent aussi de là. La différence, une des grosses différences, c'est qu'en plus, non seulement on est à Québec et donc on travaille beaucoup avec le milieu de Québec, mais aussi on travaille énormément avec les données du monde réel, donc un peu plus des données physiques. Ça fait une différence. Donc, l'IID, on va l'appeler comme ça, IID, organise cet automne une série de webinaires pour aborder différentes thématiques de l'intelligence artificielle, parce qu'il y en a quand même, il y a des applications dans différents domaines. Et c'est vous qui avez l'honneur d'ouvrir cette série de webinaires le 18 septembre, avec un webinaire qui s'intitule Intelligence artificielle, possibilités et réalité. Ce webinaire, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il s'adresse au commun des mortels qui veut comprendre un petit peu de quoi il s'agit, ou est-ce qu'il faut déjà avoir déjà des bonnes connaissances du sujet pour pouvoir vous suivre dans ce webinaire? Non, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'avoir un webinaire qui soit à grand public. Si on a déjà entendu un peu les termes et qu'on se pose des questions de qu'est-ce qu'il y a derrière les données massives et l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique, c'est une introduction à ces concepts-là et en voyant les avantages et la réalité vraiment de comment ça se rapproche à la réalité. Donc c'est un bon point de départ sans doute à ne pas manquer pour ceux qui veulent démystifier un petit peu tout ce qu'il y a derrière cette idée d'intelligence artificielle. Et il est tout indiqué. Mais déjà dans cette entrevue, on va tenter de poser les premières briques de l'intelligence artificielle. Et les briques, eh bien, ce sont les fameuses données massives. Il n'y a pas d'intelligence artificielle sans données massives, j'ai l'impression. Donc de quel type de données on parle? Est-ce que c'est des données numériques? Est-ce que c'est des images, des sons? Est-ce que c'est dans quel domaine? On en parle des fois dans le domaine médical, mais il peut y en avoir dans d'autres domaines probablement. Et puis, elles viennent d'où aussi toutes ces données? Donc là, c'est un ensemble de questions en vrai que je vous envoie. Mais c'est parfait. Alors en fait, ces données, c'est effectivement des données qui sont collectées, qui sont des données numériques, qui peuvent être de toutes les formes possibles et imaginables. Donc on parle bien entendu de textes, de sons, de vidéos. On parle aussi de toutes les données qui sont stockées dans les différentes bases de données des organisations et des entreprises qui ont été collectées à travers les années. Donc, c'est tous ces ensembles de données-là qui font en sorte que on essaie de retrouver un peu des caractéristiques et des choses qui vont nous permettre de prendre des décisions. Donc, en fait, ces données-là, elles se retrouvent un peu dans tous les domaines. On parle évidemment du domaine médical, comme on en a parlé. On parle également de tout ce qui est les données sur Internet, donc toutes les données de navigation des gens, d'achat, etc. Toutes ces choses-là font partie de ces données-là aussi. Mais c'est vraiment extrêmement large et ça touche vraiment à un grand nombre d'applications et de domaines. Et pourquoi on les appelle massives ? Ça suggère qu'il en faut beaucoup, mais pourquoi est-ce qu'il en faudrait beaucoup ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est quand on parle de massives, effectivement, on pense principalement à l'aspect volume et qui est un élément très important. Si on prend une petite comparaison, les données disponibles qui appartiennent à Google, à Facebook, Amazon, etc., on parle de l'ordre de grandeur de 1 million à 1 milliard de fois plus de données que ce qu'il peut y avoir dans un ordinateur personnel. Mm-hmm. Donc là, on parle d'un volume de données vraiment énorme. Mais ce qu'il faut savoir aussi sur les données massives, c'est que ce n'est pas uniquement un problème de volume. C'est aussi un problème de comment je les récupère, comment je les traite au moment de les récupérer. Est-ce que ces données sont fiables ? Est-ce que ces données sont de qualité ? Donc, c'est toutes ces questions-là qu'il faut aussi se poser quand on parle de données massives. Et c'est toutes des questions qui vont toucher un peu le problème de l'intelligence artificielle. Et ensuite, en fait, on en fait quoi ? L'intelligence, ça, c'est les données massives, c'est les briques. Mais après, l'intelligence artificielle, elle en fait quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'elle en fait ? Elle les traite comment ? On parle des fois d'apprentissage machine, comme si une machine apprenait par elle-même à partir des données. Est-ce que vous pouvez nous démystifier un peu comment ça marche ? Oui, tout à fait. En fait, les données sont vraiment la source des algorithmes d'apprentissage automatique. Et en réalité, ce que font les algorithmes d'apprentissage automatique, c'est qu'ils vont prendre ces données-là et ils vont essayer d'en sortir des caractéristiques qui ne sont pas forcément visibles, non seulement qui ne sont pas visibles à cause de la quantité de données monstrueuses qu'il peut y avoir et qu'un être humain est totalement incapable de découvrir par lui-même, mais aussi, donc il va essayer de trouver un peu tout ce qui peut en ressortir de ces données-là pour une tâche bien particulière. Donc, en fait, on différencie un peu l'apprentissage automatique, donc la conception de programmes d'apprentissage automatique versus la conception de programmes classiques. Et là, il y a une différence au niveau de la source un peu. Et on parle vraiment, dans le cas de l'apprentissage automatique, on part vraiment des données pour arriver à un programme qui prend ou qui propose des décisions, en fait, à ce niveau-là. Ok, donc le programme donné va traiter à sa manière tout cet ensemble de données. Il va en essayer d'en extraire un espèce de jus pour ensuite aider à prendre des décisions. C'est ça. Ça, c'est le principal. C'est le principe, en fait, en considérant qu'on donne des exemples à la machine, donc à l'algorithme, pour qu'il soit capable de dire… OK, à partir des exemples qu'on m'a donnés, je vais prendre, par exemple, je prends des données médicales, des données radiographie, où on lui donne des exemples pour dire, cette radiographie-là, il y avait un cancer, cette radiographie-là, il y en avait un aussi, celle-là, il n'y en avait pas, etc. Donc, à partir de ces données-là, il va être capable de dire, j'extrais des caractéristiques particulières des images et je suis capable de dire, à partir d'une nouvelle image que je n'ai jamais vue, il y a un cancer ou il y en a pas. Ah oui, d'accord. Donc, c'est comme ça. Donc, il a son stock d'images, celles qui sont associées à un cancer, celles qui ne le sont pas. Et à partir de là, lui, il va se faire un schéma un petit peu qui va lui permettre, en voyant une autre image qu'il n'a jamais vue, de dire là, il y a ou non un cancer. Enfin, avec une certaine probabilité. J'imagine que ça ne vient pas non plus. C'est comme un soutien au médecin qui va finalement… Le médecin va quand même avoir son dernier mot, j'imagine. Tout à fait. Pour l'instant, il reste encore des petits enjeux sur l'intelligence artificielle et il y a certaines caractéristiques qu'on n'est pas encore capable de de réaliser. Et notamment, pour l'instant, on pense qu'il faut qu'il y ait un être humain dans la boucle, surtout en médecine et surtout quand les conséquences d'une mauvaise décision pourraient être vraiment importantes pour des personnes en particulier. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et ça fait partie des réflexions de recherche qu'on a en ce moment dans nos différents projets. Donc ça, c'est un exemple qui nous permet de concrétiser un peu quel peut être l'usage de l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pourriez nous en donner un ou deux autres pour qu'on puisse élargir un petit peu l'étendue des applications ? Oui, alors par exemple, un exemple qui peut être plus facilement accessible à tout le monde, c'est quand on regarde des vidéos sur YouTube. YouTube propose a toujours un certain nombre de vidéos qu'il propose à l'utilisateur qui vont dépendre des vidéos qui ont été déjà regardées par l'utilisateur. Qu'est-ce que fait YouTube ? Ben, il va extraire les caractéristiques des différentes vidéos qui ont été vues, donc soit à partir des commentaires, du titre ou de la vidéo elle-même, va en extraire des caractéristiques et va trouver d'autres vidéos qui ont les mêmes caractéristiques ou proches, et c'est ces vidéos-là qui vont être proposées à l'utilisateur. Et souvent, on s'aperçoit que c'est souvent des vidéos qui sont très proches ou dans le même domaine que ce qu'on vient déjà de regarder. C'est pas un hasard finalement. C'est absolument pas un hasard. Alors, il y a sûrement un petit peu de hasard parce que des fois, il y a une nouvelle vidéo qu'on n'a jamais vue qui apparaît. Ben, ça, c'est peut-être un peu de hasard, mais ça, je ne connais pas le détail de l'algorithme de Google. Ouais, ça permet peut-être aussi, il y a peut-être une stratégie aussi pour nous faire sortir de notre bulle, parce que sinon, c'est pour ça aussi qu'on reste content toujours à rester dans notre bulle d'information. Exactement, ça c'est un des enjeux, bon, je ne rentrerai pas trop dans les détails, mais effectivement, c'est un des enjeux qu'il ne faut pas tout le temps rester dans les mêmes schémas, sinon, dès qu'il y a un changement de comportement extérieur, l'algorithme ne fonctionne plus du tout, en fait. Mais à travers ça, quand même, on voit, et c'est une préoccupation qui ressort assez souvent, c'est que finalement, ces algorithmes en viennent à utiliser des données privées. Donc, est-ce qu'il y a un abus, un risque d'utilisation de ces données privées ? Est-ce qu'il y a une forme de contrôle ou est-ce qu'il peut y avoir un risque ? Alors, effectivement, quand on parle de données personnelles et de données privées, il faut toujours considérer qu'on a une certaine, il y a un besoin de demander le consentement des personnes dans la limite du raisonnable. Et ça, bon, c'est des débats qui sont en ce moment à la fois dans le milieu de la recherche, mais je sais aussi au niveau des députés qui sont en train de réfléchir à ce problème-là. Et c'est sûr que c'est des questions qui sont vraiment d'actualité et qui… Mais on insiste beaucoup sur l'aspect consentement pour dire ces données personnelles, non seulement la personne doit savoir que ces données vont servir à telle ou telle chose et pas à d'autres, et qu'une personne soit capable de donner son consentement de manière libre et éclairée. Ça, c'est un point très important qu'on essaie d'appuyer. Mais justement, donc j'en reviens à l'exemple que vous donniez quand on regarde des vidéos sur YouTube. Donc à ce moment-là, on devrait pouvoir donner notre consentement. YouTube, je veux bien que tu utilises les vidéos que j'ai déjà regardées pour me faire d'autres suggestions dans le futur. Mais est-ce qu'on le voit ça ? On voit rien de tel. Ça se passe. Malheureusement, on le voit. C'est quand on regarde c'est quand même clairement indiqué dans les conditions d'utilisation de YouTube. Sauf que c'est sûr que c'est un peu compliqué à les lire, parce que c'est un texte assez long et c'est un peu l'enjeu de ce qu'on entend par consentement libre et éclairé, dans le sens où il faut que la personne ait vraiment conscience de ce que ça implique. C'est ça. Mais chez Google, ils ont des conditions d'utilisation qui sont assez claires quand même. Ah ouais, mais peut-être qu'on n'est pas assez éclairé pour les lire clairement alors. Ça, c'est un autre problème, effectivement. Il y a peut-être une question d'éducation aussi pour que chacun de nous, on sache quand est-ce que… finalement, on nous proposait cette façon d'avoir un consentement libre et éclairé et on ne le saisit pas. Oui, ça peut être vu quelque chose comme ça, mais c'est pas, effectivement, c'est un problème assez complexe. Là, je suis tout à fait d'accord. Là, ça soulève, il y a le côté technologique, tout le développement de ces algorithmes, les applications, les décisions, l'aide à la décision que ça apporte finalement. Puis, on le voit là avec les données privées, il y a le côté éthique, et là, j'imagine que le côté les données privées est juste un aspect des côtés éthiques. Comment se positionne l'IID par rapport aux enjeux éthiques. D'abord, il y a peut-être d'autres enjeux éthiques qui sont soulevés. Je parlais des données privées, mais il y en a peut-être d'autres quand même. Oui, il y a énormément il y a d'autres enjeux éthiques dans le sens où faut qu'on s'assure que les, comme j'en parlais un peu tout à l'heure, que les algorithmes d'intelligence artificielle n'ajoutent pas de discrimination encore plus que ce qu'il y a dans les données. Et ça, c'est un point qui est vraiment qui est beaucoup étudié en ce moment, parce que les biais et les discriminations, on sait que ça existe dans la société, c'est malheureux, mais on sait que ça existe. Mais malheureusement, avec les algorithmes d'intelligence artificielle, étant donné la quantité de données qu'il y a, et les algorithmes ont tendance à amplifier les problèmes. Ah oui. Pourraient amplifier les problèmes, pas tout le temps, parce que des fois ça les réduit, mais ils pourraient avoir tendance à amplifier les problèmes, donc ajouter encore plus de discrimination. Et ça c'est un autre problème qui peut arriver, qui arrive assez de temps en temps, qui apparaît dans les journaux. Donc, faut en avoir conscience que ces problèmes peuvent survenir et trouver des moyens de les contourner, de les éviter. Tout à fait. Donc justement, comment se positionne l'IID par rapport à ces enjeux éthiques? Est-ce que ça fait partie des thématiques de recherche? Oui, ça fait partie des axes d'intervention, un des axes d'intervention de l'IID qui concerne un peu tout ce qui est éthique, discrimination, etc. Et alors, donc effectivement, la majorité des chercheurs, tous les chercheurs même, sont sensibilisés à ce genre de choses. On a la chance à l'Université Laval, en plus d'avoir le bureau principal de l'Observatoire sur les impacts sociétaux de l'intelligence artificielle, donc l'OBVIA, qui a été créé suite aux réflexions de la déclaration de Montréal il y a quelques années. Donc ça, on a vraiment cette chance-là où beaucoup de chercheurs font partie de l'OBVIA aussi et donc ont des réflexions sur ces aspects-là, un peu c'est quoi les conséquences de l'IA dans la société en général. D'accord. Bon, ça fait un petit peu le tour, un bref aperçu, vraiment très rapide, mais quand même, de l'intelligence artificielle. Et puis, évidemment, pour en savoir plus, on invite chacun à aller suivre le webinaire que vous allez donc donner le 18 septembre. Comment est-ce qu'il faut s'inscrire? Où est-ce qu'on trouve l'information? Est-ce que c'est gratuit? Ça se passe comment? En présentiel? En vidéo? Ça se passe comment? Bon, c'est un webinaire, donc c'est en vidéo, j'imagine. Oui, c'est ça. En fait, vous pouvez aller sur le site de l'IID, iid.ulaval.ca, qui est le site web qui vient tout juste d'être lancé officiellement. Et vous allez trouver dans la section événements la liste des événements dont ce webinaire fait partie. Et évidemment, ce sera un webinaire, c'est tout à fait gratuit. Et c'est un webinaire qui est accessible par Zoom et qui sera aussi accessible par YouTube en direct aussi. Donc, c'est très facile d'aller voir ça le 18 septembre à midi. Bon, alors voilà, l'invitation est lancée. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lemonnier, pour ce survol rapide de l'intelligence artificielle. Et pour en savoir plus, eh bien, rendez-vous au webinaire. Nous étions donc en compagnie de Julien Lemonnier, professionnel de recherche à l'Institut Intelligence et Données de l'Université Laval.